Oui, Chiti. Le soir même. Les rats étaient enfin pris au sérieux par mon peuple, mais je savais au plus profond de moi que nous n'étions pas de taille. Quand bien même possédions-nous la synchro-sainte technologie, la poudre n'arrête pas la fureur. Erratis était du genre furieux. J'étais assis dans mon appartement à siroter une de mes dernières bières de roche, à regarder une dernière fois Wish TV, à profiter de mes dernières heures de creuseur au repos. Mon casque trônait sur la table basse. Non, je n'allais pas l'emporter. Ma vie ici n'avait plus aucun sens, les souvenirs non plus. J'avais toujours attendu ce grand trou, cette porte vers un autre monde, cette lumière diffuse pénétrant la roche, cette promesse d'une vie nouvelle. J'ai bu une dernière gorgée. À 2 heures de Wish City, galerie 35B au sud. J'aime pas garder les galeries, moi. Moi non plus. Mais on est en période de guerre. Le grand dirigeant, il a dit qu'il fallait qu'on garde les chantiers. Alors on garde. Hé, Major, vous voulez une petite bière de roche? Non, petit gars, jamais pendant le service, ça se fait pas. C'est pas sérieux, et tu devrais faire pareil. Moi j'ai envie de faire pipi. Oui, mais pas contre le matériel, ça va le faire rouiller. Non, ça va le faire rouiller. Hé, Major, on est vraiment en bordure du territoire Bayfresh, là, non? À la frontière des taupes. Ouais, c'est d'ailleurs elle que je crains le plus. Elles sont guère faciles, ces putains de taupes. Ouais, moi, j'y crois pas trop, au rat, moi. C'est pas... Petit gars, mais tire. Ils sont trop nombreux, Major. Si mal, moi, porte dans vos bras, j'ai peur d'un coup. C'est que je suis marié, petit. Nous les pleurons. Wish TV, l'info 38h sur 38 avec Monique et Monico. Bonjour, le rallye des vieux de Wish City s'est bien déroulé à la grande salle des congrès. Tous les vieux de Wish City s'y étaient donné rendez-vous. Au programme, concours de flébites et lâchage de dentiers sur la pierre. C'est pas moins de 80 000 vieilles et vieux qui ont... Excusez-moi, peut-être une nouvelle importante. Oui, allô, oui, oui. Oui, très bien, très bien. On vient de me l'annoncer à l'instant, des soldats de la nouvelle grande armée de Wish City en faction dans une des galeries frontières au sud ont été décimés par une dizaine de rats. 50 soldats ont été victimes de cette attaque éclair. Le grand dirigeant s'associe avec peine aux familles... s'associe à la peine des familles des victimes de ce massacre. Le championnat de squidball avec cette victoire des bouleurs de Baïflé de Rocher contre les casseurs du sud avec 53 lattages de couilles contre seulement 2. Une victoire écrasante, donc, pour qui c'est ce que peut se poser le grand joueur Samozar sur son lit d'hôpital. Il s'est fait latter les couilles pas moins de 27 fois. Pour marcher, je suis obligé de faire le grand écart, aurait-il déclaré. Oui, Chiti, le palais. Cela commence à bien faire. Oui, grand dirigeant. Conseiller militaire, il faut réagir. Oui, grand dirigeant. Les rats ne peuvent pas nous battre. Ce ne sont que des rats, nous sommes des Baïfouiches, non d'une pierre cassée. Oui, grand dirigeant. Nous connaissons les galeries par cœur, ils arrivent quand même à nous surprendre. Je crois que... Mila, tu n'es pas encore couchée? C'est que je vous ai entendu marcher dans le couloir, père, alors j'ai ouvert la porte pour voir qui c'était. Eh bien, laisse-moi marcher dans le couloir, foutre-terre. Referme cette porte et dors. Oui, père. Ce ne sont que des rats, les galeries. Mais oui, c'est ça la solution. Alors Mila, de toute façon, c'est pas la première fois que tu voles des trucs dans le palais. Le quartier des creuseurs, au même moment. Je n'avais pas de bagages. Je n'en avais pas besoin pour l'autre monde. J'ai fermé la porte de mon appartement. Dans le couloir, j'ai regardé la porte de Boone. Je n'avais pas la force de lui dire au revoir. Mon vieil ami, qu'y avait-il derrière le grand trou? Quel autre monde allais-je découvrir? Quels autres peuples? Peut-être une simple terre déserte. Peut-être qu'il n'y avait que les Baïfouish finalement et... Non, je ne devais pas renoncer, je ne devais pas plier. J'ai posé la main sur la porte de l'appartement de Booz. Adieu, Booz. Je ne savais pas que de l'autre côté, Booz avait posé sa tête contre sa porte. Adieu, Squeak.